AEFE, Agence pour l'enseignement français à l'étranger, est un établissement public qui a été créé le 6 juillet 1990. Placé sous la tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, elle a pour objectif de coordonner et d'animer un réseau mondial d'établissements scolaires français. Elle a deux missions principales. Premièrement, assurer un service public d'éducation pour les enfants français vivant à l'étranger. Deuxièmement, contribuer au rayonnement international de la France par la diffusion de sa langue, de sa culture et de ses valeurs humanistes et démocratiques. Aujourd'hui, le réseau compte 580 établissements dans 139 pays et accueille environ 391 000 élèves, dont plus de 60% sont des élèves étrangers. Ce modèle unique favorise à la fois la diversité et l'ouverture internationale.